Tchike Mukendi Bendele Yaziri Kekwa, toujours au Japon. L'homme qui honore la sape. Kafuru Maya, Kafuru Maya, Kafuru Maya, Kafuru Maya. Gilele Emporio, Philippe Bomolo. Soki motema mosi molembi, soki motema mokoti nongo. Nakoluka na mikebisa kasi nzoto mobimba mosi likolenga. Nasoka se na pasi, mokole koki poto vivre. Yokola na yo na mbongo, ngai nakola na via babola. Paul Mokoko, Moshe Mayemba. Vie pate na contribution. Yoka jike mukendi mwana lemba. Rita Bona. Fumer sans feuille à Sala. Je me sens coupable, ma yeye. Mazanga moke, Salanga ta racine. Cause la tête de mon, c'est la tanzo. Baba Nazirika, Muninga Yajika. Yahweh, décris-moi l'amour. Je reste sans voix, Yahweh, Yanola. Justin Kalonji, Pitsuna Pemba, Winnie, Yebo Yebo. Kobanga Zalate, Kobata Zalama Siron, Sete, Namakwela, Chike, Mokeni. Barefe pour Yora Tiki, Sanfone, Boni Balapa, et après déception, Kolima Lissoute. Maître Raph Botella na Lausanne, pour vous la bonja. Yves Kambala, Pakaï Kombe. Le PDG Michel Ladilouya, le palmarès. Jean-Jacques Saint-Thomas, Audrey Nomuzongo.